j'aime mon mari. Maître Zéphimo et Amoté, ma mère en tout en tout. Alain Itela, Bolanchesco. La baronne Tete Liengo. Olivier Ndombasi, Olivier Kabongolo. Philippe Fekele. Dédi Benga, 5 ans de silence. Alain Tamouk. Bae ayo, ba boinga na yo tolove. Ba monte ba stratégie, ya ekarianga na yo. Ba ke ko bomba yo, na luanda na kalemba donche. Kakapona mouna yo te, zefie moya. Bolingwe koma trouble, po bango ba sepela. Robert Manda, zefie, oyanto antou. Olivier Saya, trésor qui moute à les cœurs de Venika. Heureusement par télépathie, c'est la vocation à internet. Mengen, tous oreilles circolorées, na WhatsApp, na Facebook. Moi, li solo na litoi, mais si l'anime suffit pas, na zana posa na yo. Ria mon mémé, corps face à face, zéphié, oya toi en tout. Eric Poulet de Lausanne. Kasi para souci na sala pour empêcher mon thème en anglais sur kate. Baba Missy. Eko kipe ko bomba ba chanta l'amour. Imagine. Dengue para plou et boya. Voulez pour l'isangé la mate. Para soleil et boya. Moye baby sanga lo poso. Zéphi yo yo yo. Maître Zéphi yo yo yo. Oyanto en tout. Marie-Laure Mwaka. Le vieux Mozart Moya. Yannick Moya. Bae ayo, babo ingana yo tolove. Ba monte ba stratégie, e karyanga na yo. Alors ba donge li yo kaje, na se a fleuve ya Congo. Patrick Foda. Au cercle na baligator, na betoile de la mer. Kaka pona mona yo te, zéphié moya. O lingwa koma trouble, Dadi Moula. Bango ba sepela, zéphié, oya nganto. Pona tambola na balondende, na bambonge ya ebale. Na miswa baligata, na ba etoile de la mer. Epe sa somo na bambanda nyoso. Misomba ya bo. Batike na nga zefi na nga. Papa Kertis, Afina Tresi. Serge Wacha, Serge Kachila, Toloé à Chantal, Bobo Boutelli, Sylvestre l'essentiel et Franzuka TH. Parasolé. Willy Kasongo Super Flick. Simon Bidi, Franka Opeli, Donette Chiyoyo. Kasi para souci et pésina noté. Pour depuis ben ton péri à bolingo nga na maître Zéphi moya. Nathalie Babia. Et donc la nga na monte ma. Maman Noël. Nazoka réaction te. Théorie oye zana pratique et zana confirmé. Piri ki louvite na mou na bise ya moto rempli sa ki ya. Karine Winga. Théorie oye zana pratique et zana confirmé. Zéphi opé sanga la jete d'amour. Sanga na nabate. Na maloba soukali. Mais na monte ma naza toujours présente. Ariane Yosa. Serge Itela, il kore di Roma. Michel Bokeh. Zéphi yo yo yo yo. Zéphi na la papa na Kertis. Ata papa boinga. Na libala e salarien. Na koe kola ki kombo. Kole kakutu na vototone. Po devant papa. Na eba ko se defendre. Po na boingo. Kayot Kabika. Zéphi e na lela ya la folie. Merandi. Mon amour sans frontières. Chera timbe la bafè. Taïna Gomei. Salata mwasi. Beba Zéphi o la liwa piango. Beta ta siflè. David Mala. Qui fait mon sika. Pardon ya katana wewa ce soir. Jojo Yeti. Ma bolingwe linge bo manga sona kukufa. Arnold Dombuyo. Na mitandina siliso molo kola soda na katange. Lenga na lata pona adversaire. Kasi mando ki a maître Zéphi. Ambo moko eko. Ginette Pondo. libre me bando de comina posa monsignor fresh je zana no mo besu tole longo zefie mitarmonie tole longo moya tole longo papa kerti Gisèle Dimon nana comina posa na yo nyale ngatana testo za wapi to sasa nyama e kanginga mo tambo boni approvisionnez vous et chargez bien et lire les kuba char de combat pardon ko senga renforté présence des années la croquette c'est finanga Yannick Wata baka reste na mon but. Oye bo makamba la moko ba tendresse de sa grenade. Oye lengi sa kilingi sa kanzoto mokolo bako boman mbafo koma l'animal va se blesser. Yolanda Cassandra Zefio ye linga na linga kayo Bebe Anne Pablo ye linga na linga kayo mama mama mango Ariano Maboya ne koloba po motemezo kamingye Nazalia wana zozela Nazalia wa Rodrigo Antouf Nazalia wana zozela bino pobo baringa Nonsim zenge dedas Nazalia wana zozela bino pobo eliminengai Maître Dox Motomba, Maître Chamo Magali Basiela Anto ye ye ye ye ye Antouf Babosa na kanzalate Mokolo zibilei Anto ye ye ye Pablo Escobar Bichole koto mamey Kokoma we fana ke paranga moku Nasara nini Aparatia na Merci Pino Maweza na kase na motema Na lele la anani Nene watalo Iki ngenenge Seche kitoko Seche kikadi Albert Bako solution Papri Junior Diomba Yopi Sinayano Kikish Kabala Zosa